Chapitre 2. Il était impossible que de tels projets de fête ne fussent pas la cuisine comme au salon le sujet de toutes les conversations. En effet, la cuisinière, son aide et le petit décrotteur bavardaient à qui mieux mieux en se reposant de leur facile besogne, tandis que la femme de charge et sa nièce, réunies dans la chambre de Mrs. Barnes, prenaient une bonne tasse de thé tout en causant de l'événement prochain. Comme Mrs. Barnes était la seule qui connut bien la famille, nous écouterons avec soin ce qu'elle racontait à sa nièce, venue à Thorpe Combe pour aider à mettre la maison en état de recevoir les visiteurs. « Vous n'aviez guère que 5 ans, Nancy, quand notre bonne dame est morte. Je ne crois pas que vous puissiez vous la rappeler. »« Non, ma tante, pas du tout, » répondit la jeune fille. « Tant mieux pour vous. » Car elle était si bonne que sa perte a causé un profond chagrin à tous ceux qui la connaissaient. Tant qu'elle vécut, tout alla pour le mieux. Leur fils unique se conduisait assez bien, mais dès qu'elle fut morte, on apprit qu'il n'était qu'un vaurien et qu'il vivait avec une femme mariée. Mr. Thorpe, qui avait le cœur brisé de douleur et le caractère aigri par le désespoir, traita Mr. Cornelius très durement, c'est vrai, mais pas plus cependant qu'il ne le méritait. Le jeune homme ne voulut pas supporter cette sévérité. Il partit et resta plusieurs mois sans donner de ses nouvelles. Son père, qui était autrefois très recherché dans le monde, se renferma dans la plus stricte solitude. Enfin, il reçut une lettre de son fils. Celui-ci prétendait ne pas oser revenir et demandait de l'argent pour parcourir le monde. Monsieur en envoya, et pendant plusieurs années, il arrivait une lettre tous les 6 mois. Le vieillard devenait de plus en plus triste, jusqu'à ce qu'un jour, il tombât dans un morne désespoir. Son fils ne lui écrivait plus, et tout faisait supposer qu'il était mort à l'autre bout du monde. Le pauvre monsieur écrivit dans toutes les villes aux ministres et aux marguilliers, pour savoir si l'un d'eux avait connaissance qu'un jeune homme tel qu'il le dépeignait eût été enterré, et à quelle époque il était mort. On lui envoya un jour un acte de décès très régulier, avec les détails de la mort de Mr. Cornelius et de ses dernières années. Vous voyez qu'il n'y avait plus moyen d'espérer le revoir jamais. Quant à son pauvre père, il est, ou je me trompe fort, bien avancé dans sa vie, et avant que Noël revienne encore une fois, nous aurons, j'en ai peur, changé de maître et probablement de demeure. La vieille femme avait bien raison. Pendant quelques années, Mr. Thorpe avait été soutenu par l'espoir de retrouver son fils. Mais depuis qu'il avait acquis la certitude de sa mort, il se préparait à mourir à son tour tristement et sans affection. Cependant, malgré les chagrins qu'il avait assaillis, son caractère n'était point changé, et il était toujours resté empreint de douceur et d'indulgence. Sir Charles Temple tint parole et à 5 heures précises, il arrivait à Combe avec un appétit effrayant et rapportait les alouettes et les lapins promis. Le dîner, quoique servi plat à plat, était excellent. Sir Charles parla chasse et canards sauvages, puis, après être rentré au salon, et tout en buvant une excellente tasse de café préparée par Mrs. Barnes, il s'écria « Maintenant, cher Monsieur Thorpe, donnez-moi quelques détails, quelques éclaircissements sur les personnages auxquels je vais écrire. Votre curiosité ne pourra pas être satisfaite avant leur arrivée, car je connais à peine leur nom, et quant aux enfants, je ne sais ni leur sexe ni leur nombre. Cependant, je veux bien vous dire ce que j'ai appris sur eux. Je crois vous avoir dit déjà qu'il n'y a pas de Thorpe parmi eux, car je n'ai jamais eu que 4 sœurs et elles sont mortes depuis longtemps. Alors votre famille ne se compose que de leurs enfants? Pas tout à fait, car j'ai encore 3 beaux-frères que je dois inviter, quoique je n'ai nulle intention de leur laisser mon bien. La personne qui a épousé ma sœur aînée et Mr. Wilkins. Il possède, dans le Glamorganshire, une petite propriété qui rapporte 1 500 guinées par an. Il a, si je me le rappelle, 3 filles auxquelles je n'ai pas le désir de léguer quoi que ce soit. Cependant, je veux qu'elles viennent. Alors ces 3 personnes sont mises par vous hors de concours. Cela simplifiera notre tâche. Mais n'avez-vous pas de neveux? Si, ma sœur Marguerite a laissé 2 fils. Mais je ne sais ce qu'ils sont devenus. Elle est morte en donnant naissance à son dernier enfant. Son mari est un Mr. Spencer qui a une belle place au Trésor et qui vit à Londres. Mary, ma seconde sœur, épousa un officier, le Major Heathcote, et le suivit aux Indes où elle mourut. Elle laissait une masse d'enfants dont la plupart sont morts. Son mari se remaria presque immédiatement et a maintenant 10 fois plus d'enfants, quoiqu'il soit, dit-on, assez pauvre. Jane, ma plus jeune sœur, fit un sot mariage avec un jeune ministre nommé Martin. Elle se maria contre la volonté des 2 familles et mourut dans la misère. Son mari la suivit de près et tout ce qu'il reste de cette alliance stupide est un enfant, fille ou garçon, qui a été adopté par le major Heathcote. Maintenant, mon cher Charles, vous en savez autant que moi sur toutes ces personnes. Je m'accuse de les avoir trop négligées, mais j'étais bien malheureux, mon ami, c'est là mon excuse. Et quoique je désire que tous ces enfants aient mieux tourné que mon pauvre fils, je ne me sens pas le moindre désir de les voir ni de les aimer. Vous allez en combler un de bienfaits sans qu'il ait rien fait pour le mériter, répondit Sir Charles. Eh bien, il est fort heureux que vous les ayez tenus éloignés, car depuis la mort de votre fils, vous auriez pu voir parmi eux une lutte de perfection factice et une anxiété qui vous aurait été pénible. Je dois avouer que je me sens de la sympathie pour la famille Heathcote. Le père doit être un bon garçon pour s'être chargé d'un nouvel enfant, en ayant déjà lui-même une si grande quantité. Oui, cela parle en sa faveur. J'ai complètement oublié comment il est. Je ne l'ai vu que le jour de son mariage, et je me rappelle qu'il était fort beau. Voici le brouillon de ma lettre, Charles. Voulez-vous le recopier 3 fois ? Sir Charles prit le papier et murmura en le lisant. « C'est clair et concis, mon ami. Cela ne me donnera pas grande peine. Pensez-vous donc, mon cher Charles, que j'allais leur envoyer un récit détaillé de ma position et de mes affaires ? Relisez-moi ceci à haute voix, je vous prie. Je verrai si j'en suis satisfait. » Sir Charles lut ce qui suit. « Mr. Thorpe, de Combe, Herefordshire, priez Mr. X de venir passer la quinzaine de Noël avec lui à sa maison de Combe, son désir étant de revoir ses parents avant de quitter ce monde. Mr. Thorpe désirait que Mr. X arrivât à Combe vers 5 heures pour dîner à 6 le 23 du mois prochain. Ceci est très suffisant, Charles, et n'exprime que ce que je désire leur dire, reprit le vieux gentleman après un moment de réflexion. Allez à mon bureau, vous y trouverez ce qu'il faut, plume, encre, papier et cire, tout est préparé. Dès que les 3 lettres furent écrites, Jem les porta à la poste, et les 2 amis se remirent à causer de différentes choses. Le jeune baronnet aimait à entendre les récits de son vieil ami, qui possédait une mémoire des plus rares, aussi instructive et aussi variée qu'une bibliothèque bien montée.